pressé comme un citron. Abassé plat de laine, tendu comme un mouton. Par ses sans foi ni loi, qui gratte le pognon de ces Français d'en bas qui sont pris pour des cons. Les riches s'enrichissent, les autres s'appauvrissent. N'auront-ils plus qu'un jour qu'une simple pélisse? Cela n'est pourtant pas qu'une question d'argent. Cela serait trop simple, trop naïf à ces gens. Car la quête profonde est celle du pouvoir. Car plus vous êtes pauvre, moins vous avez d'avoir. Plus vous êtes mouton, un bel en vulnérable. À Coca-Cola Brand, cerveau manipulable. C'est ainsi que le soir du travail fatigué, le petit salarié pour se changer les idées. Prise